Deuxième livre de Samuel, chapitre 5. Alors toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron, et lui parlèrent, en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Et même auparavant, quand Saül était roi sur nous, tu étais celui qui menait et qui ramenait Israël, et de plus l'Éternel t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras conducteur d'Israël. » Tous les anciens donc d'Israël vinrent vers le roi à Hébron, et le roi David prêta alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans quand il commença à régner, et il régna 40 ans. Il régna à Hébron sur Juda 7 ans et 6 mois, puis il régna 33 ans à Jérusalem sur tout Israël et Juda. Or le roi s'en alla avec ses gens à Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient en ce pays-là, lesquels dirent à David, « Tu n'entreras point ici que tu n'aies ôté les aveugles et les boiteux », voulant dire, « David n'entrera point ici ». Néanmoins David prit la forteresse de Sion, qui est la cité de David. Or David avait dit en ce jour-là, « Quiconque aura battu les Jébusiens, et aura atteint le canal, et les aveugles et les boiteux qui sont haïs de l'âme de David, sera récompensé. » C'est pourquoi on dit, « Aucun aveugle ni boiteux n'entrera dans cette maison. » Et David habita dans la forteresse, et l'appela la cité de David, et David y bâtit tout alentour, depuis Milo jusqu'au-dedans. Et David faisait toujours des progrès, car l'Éternel le Dieu des armées était avec lui. Hiram aussi roi de Tyr envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre à bâtir, et ils bâtirent la maison de David. Et David connut que l'Éternel l'avait affermi roi sur Israël, et qu'il avait élevé son royaume, à cause de son peuple d'Israël. Et David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Et ce sont ici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Samua, et Sobab, et Nathan, et Salomon, et Jibar, et Elisua, et Neph, et Japhia, et Elisama, et Eljada, et Eliflé. 0 R Quand les Philistins eurent appris qu'on avait oint David pour roi sur Israël, ils montèrent tous pour chercher David, et David l'ayant appris, descendit vers la forteresse. Et les Philistins vinrent, et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Alors David consultait l'Éternel, en disant, « Montrai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel répondit à David, « Monte, car certainement je livrerai les Philistins entre tes mains. » Alors David vint en Baal Peratsim, et les bâtit là, et il dit, « L'Éternel a fait écouler mes ennemis devant moi, comme par un débordement d'eau, c'est pourquoi il nomma ce lieu-là, Baal Peratsim. » Et ils laissèrent là leurs faux dieux, lesquels David et ses gens emportèrent. Et les Philistins montèrent encore une autre fois, et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Et David consultait l'Éternel, qui répondit, « Tu ne monteras point, mais tu tourneras derrière eux, et iras contre eux vis-à-vis des meuriers. Et quand tu entendras sur le sommet des meuriers, un bruit comme de gens qui marchent, alors remue-toi, parce que l'Éternel sera sorti alors devant toi pour battre le camp des Philistins. » David donc fit ainsi que l'Éternel lui avait commandé, et bâtit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézé.